Le sol tremble, un barbecue sur une tourelle, un streamer qui crie, et c'est Raider Skill, place à la rave, au centre de recyclage. Je danse sur les vies, je grimpe les barils, avec un frigo en sac à dos, tranquille. J'ai mis du funk dans mes grenades, et un lance-flamme dans mon limonade. Recycle ton stuff en beat et balance le groove jusqu'au petit matin. T'as loté un slip, t'inquiète, c'est style. Tant que ça vibre, on tape dans le pile. J'ai dansé sur ta plaque de métal et j'ai crafté des basses à la centrale. Chaque clic de souris est un sample et chaque râteau dans la base fait tremble. Twerk des tourelles, allume le feu. C'est pas une alerte, c'est juste un vœu. On fait du BPM avec des pipes et je me suis looté un groove de type. C'est l'heure de danser, pris de sein. Alors choisis ton drop et fais le plein. Y'a pas d'erreur, c'est du rousse d'été. Où les basses font bugger le PC. Raider Skill, ramasse et toi tu cries. Mais avec le beat, tu restes en vie.